de ma vue sur ces pages dans mes cauchemars, ça continue. Le gyrophare du SAMU. Pourquoi j'ai pas une maternelle? Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Dimanche 23 janvier, les Patriotes Soccer affrontent l'UQAM au centre Alphonse Desjardins. Féminin 14h, masculin 16h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/Patriotes. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur? Événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtre, défilés de mode. L'Odyssée sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée sonorisation. 971 rue Néry-du-Plessis à Trois-Rivières. C'est fou. 89. 1-1. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à CIFU 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiantes du bac sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Cathy Bordelot et je serai votre animatrice avec Véronique Bazinet et Jessica Boulanger pour la session hivernale 2011. Veuillez noter que les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation et ne reflètent aucunement l'opinion des sages-femmes. Ce matin, le sujet de notre émission porte sur la reconnaissance des compétences sages-femmes. La reconnaissance des compétences des immigrants diplômés est l'un des grands défis qui incombe aux ordres professionnels du Québec à l'heure actuelle. La profession sage-femme fait office de pionnière dans ce domaine. L'émission d'aujourd'hui nous permettra de faire une pause dans le temps et d'examiner le chemin parcouru jusqu'à maintenant par l'Ordre des sages-femmes du Québec dans le domaine de la reconnaissance des compétences. En première partie, nous nous entretiendrons avec Mme Lucie Hamelin, professeure du baccalauréat, au baccalauréat, en pratique sage-femme et responsable du programme d'appoint pour les sages-femmes diplômées à l'extérieur du Canada. Et ces femmes sont majoritairement des immigrantes. En deuxième partie, nous aurons la chance de discuter avec Nawal Alassouer, une collègue sage-femme originaire du Maroc. Elle a entrepris ses études au bac sage-femme en septembre dernier. Tel qu'indiqué sur le site de l'OSFQ, soit l'Ordre des sages-femmes du Québec, une procédure a été mise en place afin d'orienter les sages-femmes étrangères dans la reconnaissance de leurs compétences. Dans l'émission d'aujourd'hui, l'expression « reconnaissance des acquis » désignera le processus de reconnaissance des compétences des sages-femmes diplômées, majoritairement immigrantes. Débutons avec un petit historique, presque entièrement tiré du site de l'OSFQ. Depuis l'entrée en vigueur du règlement sur les normes d'équivalence de diplômes et de formation, en septembre 2007, les sages-femmes formées à l'étranger peuvent maintenant faire une demande d'équivalence de diplômes et de formation auprès de l'OSFQ. Il faut, avant d'exercer au Québec, déposer une demande en ce sens à l'Ordre des sages-femmes. Pour évaluer les dossiers des candidates formées à l'étranger, un comité de sages-femmes expertes de l'Ordre a conçu une grille d'évaluation des compétences pour l'étude et l'analyse des dossiers des candidates sages-femmes formées à l'extérieur du Québec. L'Ordre des sages-femmes a bénéficié d'une subvention du ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, le MICC, pour la conception de cette grille. Les candidates peuvent la compléter pour faire une demande d'équivalence de diplôme et de formation à l'ordre. Dès le début de l'année 2008, le Comité sur les équivalences de diplôme et de formation a procédé à un examen rapide des dossiers soumis à l'Ordre des sages-femmes. Afin d'adapter les compétences des candidates au contexte de la pratique au Québec, l'OSFQ a présenté un projet de formation d'appoint au MICC et a reçu une autre subvention de ce ministère pour préparer le contenu d'un programme d'activité d'intégration à la pratique sage-femme au Québec. Ce programme d'appoint est maintenant disponible et seules les candidates avec une prescription de formation de l'OSFQ peuvent intégrer ce programme. En août 2008, 27 sages-femmes formées à l'étranger ont reçu une prescription de programme d'appoint pour intégrer la pratique. 18 sages-femmes participent actuellement au micro-programme dispensé par l'Université du Québec à Trois-Rivières. Actuellement, il n'y a aucune date prévue pour la prochaine cohorte. En regard de ces informations, plusieurs questions demeurent sans réponse. Cette semaine, nous avons rencontré Mme Lucie Hamelin, professeure au baccalauréat en pratique sage-femme et responsable du programme d'appoint. Nous l'avons questionnée afin d'en savoir plus sur ce sujet. Je vous invite à écouter l'entrevue enregistrée lundi dernier. Nous sommes présentement avec Lucie Hamelin, responsable du programme d'appoint et qui siège sur le comité d'admission et participe à l'évaluation des dossiers des futures sages-femmes majoritairement immigrantes à l'OSFQ, c'est-à-dire à l'Ordre des sages-femmes du Québec. Elle est également professeure au bac pratique sage-femme à l'UQTR. Et voilà, donc on va débuter notre entrevue. Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que tu voudrais ajouter quelques points sur ton curriculum vitae? Bien, que j'ai pratiqué pendant 20 ans au Québec. Absolument, c'est très pertinent de le dire comme sage-femme autonome, c'est bien ça? Et comme sage-femme dans les projets pilotes. Génial, je te remercie d'avoir complété ton grand parcours, en fait, ici, dans l'histoire de la pratique, la courte histoire de la pratique sage-femme dans un cadre légal. Voilà. Donc, ma première question, je veux savoir en quoi consiste le programme d'appoint. Puis, est-ce qu'il est le même pour toutes les sages-femmes qui arrivent ici au Canada ou au Québec? Le programme d'appoint, ça a été demandé par l'ordre professionnel, mais aussi par le MIC et le ministère de l'intégration, l'immigration culturelle et tout ça. Là. Donc, tous les ministères voulaient que tous les professionnels qui arrivent au Québec, que tu sois sage-femme, médecin, ingénieur ou qu'importe le titre, que tu puisses te trouver un travail ici. Donc, comme on recevait beaucoup de demandes à l'ordre, à un moment donné, on s'est dit qu'est-ce qu'on met en place, quel processus on met en place, et le ministère a fait beaucoup de pression pour qu'il y ait un processus qui se mette en place. L'Ordre des sages-femmes a été le premier ordre au Québec à mettre un processus en place avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je pense qu'on a appris de tout ça. On sait les points forts, on sait les difficultés. On ferait peut-être un peu différent la prochaine fois. Mais en même temps, je pense que ça l'a servi à toutes les autres ordres professionnels d'avoir cet exemple-là, puis de voir que ça peut pareil fonctionner avec une université, ce qui est aussi un grand défi parce qu'université et ordre, pour mettre ce genre de choses-là en place, c'est pas toujours évident. Donc, c'est un programme d'appoint qui a été réfléchi et par l'ordre et par ici les gens de l'université pour se dire on veut quoi comme programme. Donc, c'est quoi les besoins des sages-femmes qui sont déjà sages-femmes dans leur pays? Qu'est-ce qui leur manque pour pouvoir s'intégrer ici? Pas juste au niveau social, ça c'est dans leur vie personnelle et familiale qu'ils peuvent régler ça, mais d'un point de vue d'une intégration professionnelle. Qu'est-ce qui leur manque? Et donc, on avait bâti deux micro-programmes, donc deux cours de 15, deux programmes de 15 crédits. Un, c'est des cours théoriques. Un, c'est un stage de 15 crédits. En se disant, en principe, ça devrait leur permettre de s'intégrer ou en tout cas, à nous donner le temps d'évaluer est-ce qu'ils sont intégrés puis est-ce qu'ils ont atteint les compétences qu'on a besoin d'atteindre ici au Québec pour travailler au Québec. Fait que ça, c'est le processus qui a été mis au Québec. En 2008, on avait 18 personnes qui se sont inscrites au processus et qui ont fait les cours théoriques et qui ont reçu tous les cours qui ont été donnés par des sages-femmes ici du Québec. Puis après ça, 2009-2010, on essaie de les placer en stage tranquillement, pas vite. Donc ça, c'est au niveau québécois. Au niveau canadien, il y a eu la même pression, puisque c'est une pression partout au Canada, de dire qu'est-ce qu'on fait avec nos immigrants qui ont une profession puis qu'on n'est pas capable d'intégrer. Et donc, il y a le côté anglais a mis ça en place, ça s'appelle le Bridging Program. Donc, ce qu'on disait par rapport au programme canadien, c'est qu'il y en a un mis en place aussi avec la Colombie-Britannique. Et c'est toutes les sages-femmes immigrantes qui arrivent au Canada, que ce soit en Ontario, en Alberta, qui vont faire cette formation-là, qui est une grande partie à distance, qui est aussi avec des préalables, entre autres, sur la langue anglaise, et qui a après ça des stages dans leur communauté, dans leur province où est-ce qu'elles habitent. Donc ça, c'est un processus aussi pan-canadien qui débutait cette année tout doucement. Donc, ils sont pas très avancés encore dans le processus. Ici, au Québec, on est plus avancés pour l'instant. En même temps, est-ce qu'on pourrait se poser la question, c'est intéressant qu'on soit le premier ordre, mais ou la première université à offrir ça. En même temps, il faut se poser la question, est-ce qu'on a bien constitutionné le processus d'intégration professionnelle? Puis pourquoi les médecins, exemple, qui ont à peu près le même genre de formation, on pourrait dire, le processus est si difficile? Donc, il y a quelque chose qu'il faut aller plus loin dans le questionnement de comment on peut intégrer des compétences professionnelles, puis comment ça peut facilement s'ajuster dans une société qui est si différente. Mais ça, c'est des questions plus philosophiques, quoi. Très intéressant. Quel est votre rôle à titre de responsable du programme d'appoint? Au tout début, j'étais engagée pour mettre en place, donc créer les cours, les décrire, le contenu, engager les professeurs, organiser toute la structure, trouver les locaux qui s'ont donné beaucoup à Montréal, etc., etc. Et après ça, responsable des stages un peu, puis d'encadrer et le professeur et le groupe de sages-femmes immigrantes à une meilleure intégration dans les stages, une meilleure évaluation, de donner les rapports à l'ordre et de faire le suivi et de faire un bilan de tout ce processus-là. Fait que c'est ça mon rôle. Ah, c'est un grand champ de travail. On sait qu'il y a peu de pratiques professionnelles autonomes ailleurs dans le monde qui ressemblent à celles qu'on a ici au Québec dans le domaine de sage-femme. Est-ce que ça constitue une difficulté dans la reconnaissance des acquis ou des compétences des sages-femmes? C'est ça le plus grand défi. Donc, est-ce que ça constitue une difficulté? Oui. Ou si on le voit d'un point de vue plus positif, est-ce que c'est un grand défi? Oui, c'est un grand défi. Parce que les sages-femmes peuvent être autonomes dans leur pays parce qu'elles ont une structure, une façon de travailler, une façon d'être avec les femmes. Mais de changer de pays ne veut pas dire qu'elles ont exactement la même structure ou la même façon de faire. Et ici, le savoir-être est très, très, très important au Québec. La relation d'aide, les choix éclairés, la relation de confiance, ce qui n'est pas une réalité quand tu es dans un pays où tu fais pas de suivi prénatal, pas de suivi postnatal, que tu es juste présente aux accouchements, que tu reçois des clientes que tu connais pas, tu es là juste pour 7 heures, à la fin du chiffre, accoucher, pas accoucher, tu t'en vas. Puis s'il y a des urgences, il y a un médecin qui répond tout de suite. Donc, tu n'as pas le même lien avec les mêmes femmes, tu n'as pas le même lien avec tout le processus, avec les bébés qui naissent, ce qui fait que tu ne peux pas avoir une vision d'ensemble, une continuité des soins comme on a au Québec. Ça, c'est dur pour les sages-femmes qui arrivent ici. Puis c'est dur parce que dans plusieurs cultures, quand tu es la professionnelle, c'est toi qui décides. Dans beaucoup de cultures ailleurs, en Afrique ou ailleurs, ce qui fait qu'ici, les femmes, ils se disent, c'est moi qui vais décider pour elles. Pourquoi j'y ferais un choix éclairé? Ça, c'est pas évident. Puis aussi, dans certaines cultures, on laisse la femme accoucher, puis on est là juste pour recevoir le bébé dans un geste très technique. Ce qui fait qu'il y avait des sages-femmes immigrantes en stage qui ne savaient pas quoi faire dans une chambre de naissance, parce que d'habitude, elle ne fait rien. Elle n'est pas là. Fait que c'est tous ces défis-là qui sont énormes et qui sont des grands défis à essayer de se dire, est-ce qu'un programme, une formation d'appoint de 2 sessions, de 30 crédits universitaires, permet une intégration des compétences et du savoir-être tel qu'on le veut au Québec, mais on le verra à la fin du bilan. Vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que ça demande énormément de compétences puis de vision pour être capable d'amalgamer tous ces facteurs-là dans un programme, dans un processus de reconnaissance des compétences. Donc, on se rend compte que c'est quand même quelque chose d'assez volumineux. Volumineux et que nos sages-femmes au Québec, nos étudiantes du bac, ils font en 4 ans. Donc là, on se dit, est-ce que 2 sessions permettent ce qu'on essaie de faire acquérir en 9 sessions? Parce qu'il y a des choses d'acquis quand tu as une pratique, mais il y a d'autres choses qui sont nouvelles. Fait que c'est un bon questionnement. Non, c'est vraiment intéressant. Puis, vous qui avez participé à faire reconnaître la pratique sage-femme au Québec, savez-vous si cet élément-là, la reconnaissance des compétences, a eu une importance dans le choix de la pratique des sages-femmes au Québec? Le choix de pratique qui a été choisi? Oui, parce que on travaillait beaucoup par compétences. Nous, au Québec, quand on était avant les projets pilotes, avant la légalisation, on travaillait d'une façon autonome, on travaillait avec une continuité des soins, on travaillait avec une relation de confiance. Puis c'est ça qu'on a mis en place. dans le processus de légalisation. Puis c'est ça qu'on a mis en place dans le BAC, puis c'est ça qu'on a mis en place dans nos projets pilotes. Fait que oui, c'est important, la reconnaissance de ce qu'on était, mais en même temps, on n'est pas prête à changer parce qu'on a des sages-femmes immigrantes qui viennent d'ailleurs. Ce qu'on veut plutôt, comme moi, si j'allais travailler en Suisse, bien, je m'attendrais à pratiquer comme les Suisses et les femmes suisses et les familles et les sages-femmes là-bas veulent que je pratique. Donc, en retour, je m'attends à ce que les sages-femmes immigrantes qui s'en viennent ici, bien, ils vont venir répondre aux besoins de nos femmes et aux besoins de nos familles. Donc, ils vont devoir s'adapter à la clientèle et non pas le contraire, et non pas eux autres se dire « les femmes vont s'adapter à qui je suis comme sage-femme ». Non, c'est le contraire. C'est, tu t'en viens travailler ici au Québec, il faut que tu t'adaptes. Mais l'adaptation sociale, c'est une chose. Les familles, ils le font tranquillement pas vite, et ces sages-femmes-là, en famille, avec leurs enfants, avec leur mari. Mais l'adaptation professionnelle, tant que t'es pas baigné dans le milieu, tu sais pas c'est quoi les sages-femmes au Québec. Puis c'est pas d'avoir eu 5 cours théoriques avec beaucoup de sages-femmes, beaucoup de discussions, tout ça, qui leur permettent de vraiment avoir une vision juste de c'est quoi la pratique. Et c'est quand ils s'en vont en stage que le choc des cultures est là. Et donc, c'est pour ça que dans les stages, c'est difficile, qu'il y a beaucoup de stages où on demande un deuxième stage, puis on n'est même pas toujours convaincu qu'au bout du deuxième stage, l'adaptation va être complète. Donc, c'est pas facile. J'imagine que c'est ça, c'est pas facile ni pour les gens qui gèrent ce programme-là, ni pour les femmes qui le font. Non. Quels sont les grands défis que les femmes vous partagent, les femmes qui vont faire ce programme-là? Sont très, très, très inquiètes. Elles aiment le plus grand défi, ou plutôt leur plus grand, le beau côté de l'histoire, c'est elles aiment leur métier, ces sages-femmes-là. Comme nous, on aime notre métier. Il y avait la même, cette notion-là de trouver que c'est le plus beau métier au monde, elles l'ont pareil. Donc, elles voudraient faire profiter les femmes ici de leur savoir et de leur pratique et de tout ce qu'ils ont connu dans leur pays. Fait que ça, elles l'ont. Puis c'est vraiment, là, quand on se rencontre régulièrement, là, parce que c'est moi encore qui les suis puis qui les rencontre puis tout ça. Ça, elle voudrait. Mais en même temps, c'est beau d'avoir ça dans le fond de ton cœur, mais est-ce que tu vas être capable de le partager? Est-ce que tu vas être capable aussi d'acquérir l'autonomie, les compétences, puisque les urgences, on les gère ici tout seul au Québec? Certaines sages-femmes l'ont fait parce qu'il y en a qui ont travaillé avec Médecins sans frontières, ces choses-là, ou il y en a qui ont eu des pratiques privées dans des petits villages perdus, et il y en a qui ont eu d'autonomie, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont jamais eu. Et ça ne veut pas dire parce que tu arrives dans un pays que tu as le goût d'être autonome, toute seule, comme si tu étais dans un coin perdu. On n'est pas toute seule, mais en même temps, on demande aux gens d'avoir l'autonomie comme si elles étaient toutes seules. Et pour certaines sages-femmes, étrangères ou même québécoises, ça peut faire peur. Et est-ce qu'elles auront la capacité d'acquérir ce niveau d'autonomie, cette responsabilité que ça demande, et aussi cette confiance en soi que ça demande? Bien, c'est ça le défi, puis c'est ça qu'on va voir pendant tout le processus. On fera le bilan quand les 18 sages-femmes qui ont parti avec nous autres, quand on finira la première cohorte de 18, bien, on fera le bilan avec eux autres, puis on leur demandera finalement, au bout de la ligne, est-ce que l'intégration s'est bien passée, puis est-ce que ces 18-là, est-ce qu'elles travaillent à peu près toutes en maison de naissance, et est-ce que ça va bien? Si le constat, c'est oui, on se dira le processus a bien été. Si le constat est non, finalement, il y en a déjà sorti quelques-unes qui ça fonctionne pas bien ou qu'elles se sont retirées, que ce soit pour des difficultés de la langue ou d'intégration, bien là, on fera un bilan en se disant qu'est-ce qu'il faut mettre en place. On sait déjà, entre autres, qu'une prochaine cohorte, il va avoir un examen de français obligatoire. Puis, comme maintenant l'Université du Québec, ici à Trois-Rivières, il y en a un pour tous les immigrants, bien, ces sages-femmes-là vont devoir passer. Et si le niveau n'est pas assez bon, elles ne pourront pas aller à l'étape suivante, qui est d'aller en stage, tant que le niveau de français ne sera pas acquis. Donc ça, on le sait déjà, on a bloqué une sage-femme à cause de ça. Le niveau de français, si tu veux communiquer pendant ton stage, ben il faut que tu parles français. Parfait. Ben on parle beaucoup des grands défis, mais c'est quoi les grands apprentissages que vous faites auprès de ces femmes-là, ces sages-femmes-là qui arrivent de l'étranger? Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que responsable du programme d'appoint? Ben, je pense que c'est quand même de voir que la vision au bout de tout ce processus-là, la vision est la même, de vouloir prendre soin des femmes et des bébés, puis de vouloir offrir les meilleurs soins possibles. Je pense que là-dessus, tout le monde, on se rejoint. Après ça, il y a toute une démarche. Et ces sages-femmes-là, une fois rentrées dans le processus, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles aiment la pratique au Québec. que c'est une des pratiques idéales dans le monde, et pour l'autonomie et pour le choix des lieux de naissance qu'on n'a pas ailleurs. Donc, ces sages-femmes-là sont très contentes. Et de ça, nous, ce qu'on apprend, c'est que finalement, on apprend qu'on a une belle pratique au Québec, puis que c'est ça qu'on voulait mettre en place, c'est ça que les femmes et les familles voulaient. Puis on a réussi au moins cet aspect-là. Ça se développe pas vite, il y a d'autres problèmes politiques, etc. Là, on pourrait jouer là-dessus longtemps aussi, mais on a quand même mis quelque chose d'unique. Puis les sages-femmes étrangères, quand elles s'en viennent ici, elles trouvent ça extraordinaire, l'autonomie. Mais une fois de l'avoir trouvé extraordinaire, c'est une chose. Mais après ça, de pouvoir vraiment être capable de s'intégrer, c'est une chose. Mais donc, ces sages-femmes-là, on partage ça. Puis elles ont beaucoup, beaucoup de savoir, beaucoup, beaucoup d'expérience à partager. Il y a des sages-femmes là-dedans qui ont 15 ans d'expérience. Puis il y en a d'autres qui sont plus diplômées récemment. Ça dépend desquelles. Mais quand même, elles ont la volonté de vouloir travailler auprès des femmes. Toutes celles-là. Donc ça, on peut se partager ça. Puis on a des belles histoires ensemble à se partager. Ce que je comprends, c'est qu'on ne veut pas dévaloriser le savoir que ces femmes-là ont, mais les aider à entrer dans un autre monde du domaine sage-femme qui oui. est peut-être différent de ce qui se passe chez elle. Oui, exactement. Parfait. Est-ce que la reconnaissance des compétences sage-femme est la même pour toutes? Ça, j'imagine que non, mais vous pourrez peut-être spécifier. Puis, est-ce qu'il existe des accords qui vont faciliter la reconnaissance des diplômes et des compétences des sages-femmes qui désirent travailler au Québec? On peut penser à dans certains secteurs de travail, il y a des accords sectoriels ou des choses comme ça. Ben, à l'heure actuelle, au départ, il devait y avoir qu'un seul accord et c'était celui-ci, le programme d'appui avec un programme pour toutes les sages-femmes immigrantes. Dernièrement, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail politique entre la France et le Québec pour qu'il y ait des accords entre ces deux pays-là ou ces deux entités-là. Et donc, il y a un accord spécifique entre la France et le Québec pour les sages-femmes. Là encore, on est un des premiers ordres professionnels à avoir signé quelque chose. Et de part et d'autre, on trouve l'accord intéressant, mais il n'est pas mis en pratique puis il n'est pas encore appliqué parce que t'as beau être une sage-femme française avec probablement plus de contact avec la pratique nord-américaine ou en tout cas avec le monde nord-américain puisqu'on fait partie de ça ici, ça ne veut pas dire que dans ta pratique en France, tu as réussi à acquérir beaucoup d'autonomie, entre autres, et surtout une continuité des soins. Les sages-femmes en France font du travail très, très, très sectoriel. Je fais que les accouchements ou je donne que les rencontres prénatales ou je fais que de la rééducation périnatale, à part celles qui travaillent en libéral et il y en a à peu près en bas d'1%. Donc, c'est pas la majorité. Fait que eux autres aussi vont avoir certains besoins. On veut essayer de rendre ça facilitant. On veut essayer de rendre ça co-co-co pour nous autres comme pour elles. Mais finalement, quand on a signé l'accord, on se rendait compte que même nos sages-femmes qui s'en iraient en France, qui n'ont jamais monitoré, qui n'ont jamais surveillé de donner du Saint-Ocinon, qui ont jamais... Il va falloir pareil qu'il y ait des mises au point puis des formations d'appoint. Fait que, qu'importe la réalité, soit d'avoir plus de technique ou soit d'avoir plus de savoir-être, il va falloir pareil qu'il y ait du temps. Fait que, la formule sera peut-être pareil, un peu différente, mais tant qu'à moi, elle ne différera pas tant que ça. Quand on a monté le contenu des 5 cours, c'était un contenu très large pour leur faire voir c'est quoi la pratique au Québec. Puis quand on a monté le stage, c'est un stage d'intégration. Puis tant qu'à moi, ils vont en avoir un pareil. Fait que donc, on verra. Mais c'est le seul pays où est-ce qu'il y a un accord un peu différent, là. Pour l'instant, toutes les autres immigrantes arrivent avec le même bagage ou le même diplôme ou la même façon, puis ils passeront par le même processus. En même temps, maintenant, à l'ordre professionnel, au comité d'admission, il y a aussi une évaluation différente qui est faite des dossiers et il y a des dossiers qui ont un niveau universitaire qui passe en premier et ceux qui ont un niveau de formation qui est considéré plus DEC ou de cégep, les autres vont passer en deuxième parce qu'on considère que la formation n'est peut-être pas assez complète. Et donc, ça aussi, c'est évalué différemment depuis une couple d'années à l'ordre, ce qui n'était pas le cas au début où on mélangeait tous les dossiers. C'est bien. D'après vous, est-ce qu'il serait possible de faciliter l'intégration? On vient d'en parler rapidement, mais si vous vient d'autres idées, de faciliter davantage l'intégration des sages-femmes étrangères dans la pratique québécoise. Est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait aller chercher? Ça peut même être à l'extérieur du système éducatif. Bien, avoir, je dirais rapidement, avoir 600 sages-femmes au Québec, ça réglerait tous mes problèmes d'intégration. Je pourrais placer ben du monde en stage. Ma difficulté depuis un an et demi, c'est que j'attends des lieux de stage, j'attends des places de stage parce que on a décidé comme institution, puis comme peut-être accord avec l'Ordre que le baccalauréat en pratique sage-femme 4 ans passait en priorité pour le placement des stages et les programmes d'appui passent en deuxième. Et donc, c'est sûr que moi, il me reste jamais beaucoup de places de stage pour placer la clientèle des sages-femmes immigrantes. Ce qui fait que c'est sûr que moi, avoir plus de places de stage, ça serait quelque chose qui aiderait. En même temps, pour le reste, je pense que c'est un processus, on apprend de ce processus-là. Je pense qu'il a été bien fait dès le départ. Le contenu des cours changera pas beaucoup, même si on redonnait une nouvelle cohorte. Il y a des outils d'évaluation, il y a des outils d'évaluation des compétences, surtout en stage, qu'il va falloir qu'ils soient retravaillés. Il y a des choses à faire, mais dans l'ensemble. Et il y a aussi peut-être une plus grande préparation, une meilleure connaissance de nos sages-femmes actuelles. Qui savent pas quoi faire avec une sage-femme immigrante en stage. Donc, il y a toute une information, un travail à faire auprès de nos sages-femmes ici parce que c'est pas pareil comme une étudiante étrangère, comme une étudiante du bac. C'est différent. Elle est déjà sage-femme. Mais qu'est-ce qui lui manque pour acquérir toutes les compétences? Puis comment on travaille ça? Ben, c'est différent. Donc, on se rend compte, ça prend, j'imagine, beaucoup d'humilité aussi pour être capable de reconnaître, nous aussi, nos limites. De part et d'autre. Exactement. Et pour la sage-femme étrangère aussi. Beaucoup d'humilité de dire, j'ai beaucoup, beaucoup de connaissances, mais comment je fais pour m'intégrer au Québec? Puis comment je les mets au service des femmes? Puis comment il y a un processus, puis c'est long, mais pourtant, je me sens sage-femme. Je pourrais demain matin travailler, puis nous autres, on leur dit, non, tu peux pas travailler demain matin. Il y a quelque chose que tu dois développer puis apprendre. Fait que ça leur demande l'humilité. Puis, de notre part aussi, ça nous demande l'humilité de leur faire confiance puis de se dire qu'ils vont être capables d'acquérir ces connaissances-là pour la majorité. Peut-être pas pour l'ensemble, mais pour la majorité, oui. Tantôt, vous disiez, par rapport aux listes d'attente, on a décidé de prioriser le bac en pratique sage-femme plutôt que le certificat du programme d'appui. Donc, le « on », il désigne qui exactement? Il y a un comité de l'ordre professionnel de l'université. On a un comité. Qui gère ça, deux sages-femmes, deux professeurs du bac et deux sages-femmes à l'ordre. Et donc, ensemble, il y a des règles qu'on s'est données, puis il y a des rencontres qu'on s'est faites pour se dire comment ça fonctionne. Mais, entre autres, c'est ça, sur la liste d'attente, excusez, c'est aussi beaucoup avec le comité d'admission, et ça, c'est un comité de l'ordre qui gère les listes d'attente, qui décide quoi faire, comment les évaluer. pardon. Mais après ça, on va vous laisser prendre une petite gorgée d'eau quand même. Vous avez déjà donné une bonne performance. Mais donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un comité à l'ordre qui décide du nombre de dossiers à étudier, de comment les prioriser et tout ça. Mais après ça, de toute façon, il y a une non-disponibilité de stage qui fait que le processus est lent. Je le sais à l'ordre qu'il y a déjà une autre cohorte de prêtres, sinon peut-être deux et trois cohortes de prêtres qui pourraient recommencer demain matin. Moi, j'ai dit à tout le monde qu'il n'y avait personne avant 2012 parce que j'ai pas placé l'ensemble des sages-femmes de la première cohorte avant 2012, c'est clair. Et donc, il n'y aura pas de nouveau groupe, même s'il y a beaucoup de pression, et politique, et gouvernementale. Il faut rester réaliste avec notre nombre de places. Il y a 60 000 infirmières au Québec, mais on est 100 sages-femmes. Fait qu'on peut pas aller plus vite que notre réalité... Puis c'est une réalité qui se bâtit bien, qui se bâtit solide, mais qui se bâtit lentement et doucement. Comme une grossesse, finalement. Exactement. Qu'est-ce que vous souhaitez, finalement, à cette femme enceinte-là, qui est la pratique sage-femme au Québec, mais plus dans le domaine de la reconnaissance des compétences? Pour terminer l'entrevue, je pense qu'il y a un bon partage. Moi, j'ai travaillé à Côte-des-Neiges. J'avais une sage-femme qui avait été formée en Belgique, une en Suisse, deux en France... Une du Canada anglais. Moi, j'ai aimé le partage avec les sages-femmes, avec les cultures, avec tout ce que chacune on peut apporter là-dedans. Fait que je pense que de s'ouvrir à ça, ça va être profitable à tout le monde, et pas juste aux sages-femmes, mais aux femmes aussi, puis aux familles. Mais en même temps, on veut pas changer ce qu'on a mis en place parce qu'on pense que c'est un bon modèle, la pratique sage-femme au Québec. Et donc, on veut pas ouvrir ça en essayant de tout changer. Au contraire, on veut sauvegarder ce qu'on a mis en place. Et on veut donc que les gens s'intègrent parce qu'ils aiment ce modèle-là, parce qu'ils trouvent que c'est un bon modèle pour la santé des femmes et des bébés. Donc, on voudrait pas accoucher d'un prématuré dans l'idéal. Et on voudrait pas accoucher dans n'importe quel lieu si ça nous tente pas. Merci beaucoup. Merci. Poursuivons en musique avec le groupe québécois Sequoé, un mélange des genres où se rencontrent les musiques du Québec et des Seychelles. J'ai choisi de vous faire entendre cette pièce intitulée « Dans ma nouvelle maison ». C'est une chanson qui raconte l'histoire de nombreux immigrants, mais tout particulièrement celle d'un ami séchellois, mon ami Christophe Préa. Écoutons-le nous raconter son arrivée sur sa terre d'accueil, le Québec. La pièce sera suivie d'une pause publicitaire. Maison, loin des seuls dont je rêve souvent. Questions posées par des enfants, c'est un signe de leur intelligence. Dans ma nouvelle famille, loin de ceux que je n'oublierai jamais. Sourire sur ces visages des adultes, ce n'est pas pour masquer la souffrance de leur pays. Dans ma nouvelle ville, beaucoup plus grande que mon île, les églises sont plutôt vides, pas de prières pour la délivrance. Dans ma nouvelle cité, beaucoup de bruit, moins de musique. Ta patte du trafic remplacera pas le battement de vagues qui étouffe les cris du sandal. Où ceux qui me demandent pourquoi quitter le paradis pour vivre ici, j'ai perdu mes parents. Au nom de la démocratie, j'ai perdu mon village. Au nom de l'économie, je suis en train de perdre mes droits. Au nom de la liberté, je vous réponds que paradis, c'est passe à télé dans le magazine. Les gens des mythes existent pareil. Dans le dos de la lune, on invente des histoires d'amour. Dans mon nouveau jardin, plus de plastique il tue que de naturel. Forêt tropicale pousse à l'intérieur, là où les feuilles sont aussi belles que les fleurs. Pour ceux qui me demandent pourquoi quitter le paradis pour vivre ici, j'ai perdu mes parents. Au nom de la démocratie, j'ai perdu mon village. Au nom de l'économie, je suis en train de perdre mes droits. La liberté, je vous réponds que paradis, c'est que l'utopie, ça passe à télé dans le magazine. ai-je parlé à M. Leblanc juste une fois. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le Dîner de cons sur Cifou 89. Dans le cul, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens! Toi aussi, va te faire foutre! Oh! Mais quel connard, ce type! Je m'appelle François Pignon et je suis le con que votre mari devait emmener dîner ce soir. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Comme parent, je l'encourage à sortir du lit. Comme employeur, je limite ses heures à 15 par semaine. Comme personne de son entourage, je lui donne une petite tape dans le dos. Entre le 14 et le 18 février, soulignons l'effort d'un jeune en lui envoyant une carte virtuelle sur soyonscompères.com. Vous êtes étudiant en génie? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier très avantageux, conçu pour vous et adapté à vos besoins. Rencontrez un conseiller dès aujourd'hui à votre succursale au 5620 boulevard Jean 23 pour en savoir plus. De plus, courez la chance de gagner un voyage dans les Alpes. Tous les détails sur banquedesingénieurs.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Ta blonde ou ton chum te fait de la brume dans tes lunettes? Eh bien, débarrasse-toi-en. Les lunettes, bien sûr. Chirurgie au laser pour enfin être libre. Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclair.ca. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 FM, à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Poursuivons maintenant avec Nawal Alassouer, une collègue sage-femme originaire du Maroc qui a entrepris ses études au bac sage-femme en septembre 2010. Elle nous partagera son expérience d'intégration professionnelle à la pratique sage-femme québécoise. Nous tenons à la féliciter pour l'arrivée du petit Youssef, un petit bébé arrivé le 25 décembre dernier. Donc, félicitations Nawal et Alim. Allons-y avec l'entrevue. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nawal Alassouer, sage-femme immigrée au Québec en 2009 et étudiante de première année au bac pratique sage-femme de l'UQTR. Nous avons aussi avec nous Youssef, le fils de Nawal et Alim, né le 25 décembre dernier. Nawal, tu as accepté de nous parler de ton expérience d'immigration au Québec en tant que sage-femme. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, tu es sage-femme diplômée au Maroc et tu as pratiqué pendant 9 ans là-bas. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de faire le programme de bac en pratique sage-femme plutôt que de prendre part au processus de reconnaissance des acquis? D'abord, bonjour. Puis pour moi, c'est vraiment imposé parce que j'ai pas choisi de refaire le programme de sage-femme. Parce que la reconnaissance de diplôme, c'est pas encore très clair. Ça fait longtemps que j'ai envoyé mon dossier à l'ordre des sages-femmes. J'ai attendu à peu près 3 ans. J'ai pas eu de réponse satisfaite. Donc, au lieu d'attendre, j'ai décidé de refaire le bac, surtout que j'aime la profession sage-femme. Donc, à peu près, c'est ça. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as fait comme formation au Maroc? La formation que j'ai faite, c'est une formation normalement qui dure 3 années. Puis j'ai travaillé avec le public, donc ça veut dire une année de plus de stage. Ça prend à peu près 4 années. La formation, c'est une formation basée au début. On a une année à peu près... on étudie tout ce qu'on peut voir, genre médecine, chirurgie, tout, comme des infirmières. Puis après, on a des études basées. Depuis la moitié de la première année, on a des études qui sont basées sur l'obstétrique. Ça veut dire l'accouchement, la grossesse, le postnatal, donc tout ce qui est obstétrical, c'est ça. Donc la formation, c'est à peu près ça. Puis l'année de les stages, c'est des stages qui se déroulent premièrement dans les hôpitaux, puis après dans les maisons d'accouchement avec les maternités. Merci. Est-ce que tu vois des différences entre la pratique de ton pays et celle qui est pratiquée ici au Québec? Oui, il y a vraiment une grande différence entre la pratique sage-femme au Maroc et la pratique sage-femme au Québec. Donc la pratique sage-femme au Maroc, c'est à peu près comme en Europe. On travaille dans les hôpitaux, puis c'est une profession qui, je peux dire, médicalisée, parfois même trop médicalisée. C'est pas la même philosophie, parce que la pratique sage-femme au Québec, elle est basée sur tout ce qui est physiologique, normal. Donc, on fait confiance au pouvoir des femmes, et dans le processus de la grossesse et l'accouchement. Donc, à peu près, je veux dire que ce qu'on a comme des points de commun entre la pratique sage-femme au Maroc et au Québec, je peux dire, c'est juste que on suit les femmes durant la grossesse et l'accouchement. Mais comment on suit ces femmes durant la grossesse et l'accouchement, c'est très différent, parce que chez nous, au Maroc, c'est médical. Puis ici, c'est vraiment naturel, normal. Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même de la continuité, mais l'approche est différente au niveau... Ça aussi, c'est très intéressant, ce point, parce que la continuité, c'est juste pour les femmes qui sont suivies dans les maisons d'accouchement, ce qu'on appelle chez nous les maisons d'accouchement. Ça veut dire que la femme, elle peut venir en prénatal, puis à l'accouchement, puis en postpartum. Donc, c'est ça. Mais si on travaille dans les hôpitaux au Maroc, il n'y a pas de continuité. Donc, la continuité, ça diffère d'un contexte à l'autre. Ça veut dire, à l'hôpital, c'est pas comme à la maison d'accouchement. Donc, la continuité n'est pas toujours assurée au Maroc. OK. Donc, le lieu va avoir beaucoup d'influence sur la continuité, si je comprends bien. Oui, c'est ça. OK. Puis... comment tu vois la pertinence de, par exemple, de faire une formation d'appoint ici versus le fait de faire un bac? Ce que je veux dire, peut-être en plus clair, c'est pour toi, est-ce que tu trouves ça pertinent qu'il existe une formation d'appoint pour les sages-femmes qui arrivent de l'étranger? Par exemple, une sage-femme comme toi qui arrive du Maroc, est-ce que tu aurais pu t'intégrer directement, d'après toi? Non. L'intégration d'une nouvelle sage-femme, ça va être un petit peu, je veux dire, difficile, parce que c'est pas la même chose. Donc elle est très intéressante, la première formation qu'il peut faire pour déjà pour comprendre la philosophie de la profession sage-femme au Québec, parce que c'est pas la même chose, et pour comprendre les principes sur lesquels il est basé la profession sage-femme au Québec, il est très important de passer par une formation comme ça. Elle va pouvoir comprendre comment ça se passe au Québec. Donc je crois que la formation, elle est très très importante, mais le problème, c'est comment ça se déroule, cette formation, pour les sages-femmes étrangères. OK. Donc on touche peut-être un peu plus le processus de reconnaissance des acquis, puisqu'il va suivre la formation qui peut suivre ce processus-là. Donc, toi, est-ce que tu as rencontré des difficultés, ou quelles difficultés pourraient être rencontrées, d'après toi, par rapport à ton vécu, dans le processus de reconnaissance des acquis? Les difficultés, c'est pas seulement pour moi, c'est pour beaucoup, beaucoup de sages-femmes. Il y en a même qui ont décidé de quitter la profession sage-femme. Il y en a qui ont décidé de rester chez elles sans rien faire. Et ça, je trouve que c'est malheureux de perdre des sages-femmes qui ont quand même des compétences, qui ont des connaissances, et puis qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour les sages-femmes étrangères, immigrées, qui viennent d'autres pays, pour pouvoir exercer la profession. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup d'amour à cette profession, parce que c'est vraiment pas facile. Bon, je parlais de mon cas. Moi, ça fait depuis, je peux dire, 2007, que j'ai envoyé mon dossier à l'ordre des sages-femmes, et je n'ai pas eu de réponse claire. C'est toujours une attente. Pour des sages-femmes qui ont eu des réponses, puis... pour faire la formation, ils ont trouvé des difficultés pour faire des stages, Il y en a qui ont, ça fait une année qu'ils attendent, puis c'est vraiment très compliqué le processus des acquis, de reconnaissance des acquis. Donc c'est très difficile. Bon, c'est pourquoi j'ai décidé de reprendre le bac, même ça va prendre 4 ans, mais au lieu d'attendre des années sans réponse. Donc, c'est plus une garantie pour toi. C'était rassurant de savoir que dans 4 ans, 5 ans, tu vas pouvoir pratiquer sans avoir à t'inquiéter de ça. Parfait. D'après toi, ça serait... Là, je reprends un peu la même question, mais ça serait quoi les grandes difficultés? Tu as dit que donc tu n'avais pas eu de réponse avant beaucoup de temps, ou en tout cas, tu n'as pas eu de réponse claire, si je comprends bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres difficultés à rencontrer? Tu parlais de formulaire. Oui, parce que normalement, pour faire l'étude de dossier, on doit payer, donc on a payé. Puis on a préparé un dossier, puis cherché le nombre des accouchements qu'on a fait, le nombre des femmes qu'on a suivies. Ça, c'était vraiment très difficile parce que moi, j'ai exercé durant 9 ans. Puis ça m'a fallu vraiment du temps pour retourner aux archives, pour chercher combien j'ai fait d'accouchements, les femmes que j'ai suivies, parce que j'ai exercé dans un hôpital, dans une clinique privée et dans une maison d'accouchement. C'est vraiment très difficile de rassembler tous ces données. Ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et puis après, c'est chercher le programme qu'on a fait comme étude, et puis envoyer ça à l'ordre des sages-femmes et attendre. Et le pénible, c'est d'attendre. Mais attendre... attendre l'inconnu, parce que c'est ça. J'ai attendu, mais j'avais vraiment toujours pas une réponse. Même me dire vous n'êtes pas accepté, ça va être rassurant pour moi, se dire je vais reprendre là. Mais le problème, c'est même ça, c'était pas dit clairement. Un jour, j'ai eu une réponse qui dit que un jour, j'ai téléphoné à l'ordre des sages-femmes, puis j'ai eu une réponse d'une personne qui m'a dit: on sait que vous allez devenir une sage-femme au Québec, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. C'est vraiment très difficile d'accepter. On ne sait pas quand. Puis de dire, est-ce que je vais changer de profession? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux dire devenir en attendant? Donc, c'est prendre ces décisions, ça c'est difficile. Puis pour moi, j'ai dit, je vais oublier que j'ai envoyé mon dossier à l'ordre des sages-femmes et reprendre à zéro. La difficulté, c'est ça. C'est l'inconnu, on ne sait pas. Puis donc, on sait que vous avez pratiqué 9 ans. Je dis vous, on se connaît bien, donc je vais dire tu. Donc, tu as pratiqué pendant 9 ans. Bon, maintenant, tu es une jeune maman. Donc, il y a d'autres choses aussi qui se passent dans la vie. On passe pas nos journées à faire reconnaître nos acquis, à attendre après un dossier. Donc, j'imagine que ça peut être très long. Maintenant que tu as complété une première session au bac pratique sage-femme, quel est ton regard sur la décision que tu as prise d'entreprendre cette formation-là en arrivant au Québec? Je crois que j'ai pris la bonne décision de reprendre le bac. Déjà, comme je t'ai dit, pour ne pas attendre l'inconnu. Puis deuxièmement, parce que reprendre le bac, ça m'a permis quand même de comprendre et de s'approcher, de m'approcher de plus en plus de l'environnement des sages-femmes au Québec. J'ai passé une journée d'observation, j'ai rencontré des sages-femmes. Au Québec, c'est vraiment très différent, puis ça m'a permis quand même de revoir les choses autrement, parce que c'est très différent, mais puis pour moi, c'est vraiment très bénéfique cette session que j'ai passée, puis j'ai rencontré des collègues extraordinaires, c'est quelque chose aussi à ne pas oublier. Ça m'a permis quand même de découvrir peu à peu la société québécoise. Donc, c'est quelque chose de très intéressant, cette session que j'ai passée. Génial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous dire? J'aimerais juste dire quelque chose. C'est pas pour moi, pour des autres. Moi, j'ai décidé de reprendre le bac. Il y a des sages-femmes qui lâchent. Il y a des immigrés, puis il y a des gens qui sont venus ici comme quoi pour rejoindre leur mari, puis qui viennent, puis... et qui ont une expérience. Donc C'est malheureux de perdre ces gens. C'est malheureux de dire à ces femmes, restez chez vous, ou bien faites autre chose, on n'a pas besoin de vous. Donc c'est ça ce que je veux dire. Mmh. J'aimerais bien que les choses se facilitent pour d'autres qui viennent. Mmh. Donc c'est ça. Notamment dans un contexte où actuellement au Québec, on manque de médecins, on manque de sages-femmes, oui. Notamment. Donc, ben, je te remercie beaucoup. Je remercie aussi Youssef qui nous a fait quelques petits cris en fin d'entrevue. Et puis, très heureuse, moi aussi, de pouvoir faire partie de ta cohorte, de te connaître. Pour nous aussi, c'est un bel échange parce qu'on apprend énormément de toi. Moi aussi, oui. Ça fait un grand plaisir. Puis, je suis vraiment très heureuse de faire partie, c'est pas seulement de la coop, mais aussi des futurs sages-femmes au Québec. Ouais. Merci. Merci à vous. Vous êtes de retour à C'est fou 89.1 FM à connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. Il est frappant de constater à quel point nos deux témoignages d'aujourd'hui parlent d'une même réalité. Comme le mentionnait la sage-femme marocaine Nawal Alassouer, la pratique sage-femme québécoise est un modèle envié des sages-femmes étrangères. Elles sont nombreuses à frapper à la porte afin de faire reconnaître leurs compétences au Québec, mais le nombre de places de stage en maison de naissance demeure limité. Sur ce point, notre première invitée, Mme Lucie Hamelin, apporte une précision. On constate que le modèle de pratique sage-femme québécois favorise la santé des femmes et des bébés, mais la pratique est encore jeune et la priorité est actuellement accordée à la consolidation de la pratique. En ce sens, les étudiantes du baccalauréat en pratique sage-femme ont été priorisées dans l'attribution des places de stage disponibles. Ainsi, les défis sont nombreux. Il ne s'agit pas seulement de former des professionnels compétentes, de permettre à l'ensemble des étudiantes d'avoir un accès cohérent aux stages pratiques et de garder la porte ouverte aux sages-femmes étrangères afin qu'elles puissent enrichir notre jeune pratique. Il s'agit avant tout de préserver un modèle de pratique sage-femme encore fragile, un nouveau-né qui suscite l'espoir d'un nombre sans cesse grandissant de parents québécois qui veulent avoir accès aux services sage-femmes, qu'ils soient originaires d'ici ou d'ailleurs. Et c'est déjà la fin de notre émission. Sur cette conclusion, j'en profite pour remercier infiniment nos invités d'avoir participé à cette émission riche en enjeux et en substances. Pour en savoir plus sur la reconnaissance des compétences sage-femmes, visitez le site de l'OSFQ au www.osfq.org. Pour l'émission de la semaine prochaine, le sujet sera les enjeux de la fécondation assistée. C'est donc déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle que toutes nos émissions se retrouveront sous peu au www.uqtr.ca/co-naître. Elles peuvent être téléchargées en balado-diffusion. Notre courriel est également sur le site si vous voulez nous envoyer vos commentaires et vos suggestions. Suivez-nous également sur Facebook. Sans tarder, devenez membre du groupe Connaître Ensemble pour en apprendre davantage sur notre émission. Je tiens à remercier notre équipe radio avec Karine Bertrand à la réalisation, Bronwyn Agnew et c'est tout. Rocio n'est pas là aujourd'hui, donc Bronwyn Agnew à la technique, Karine Bertrand et Bronwyn Agnew à la recherche, ainsi que nos deux invités, Nawal Alassouer et Lucie Hamelin. Je tiens également à remercier la Chasse-Galerie pour leur commandite. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. Nous allons nous quitter en musique sur une chanson de la période reggae du regret. Excusez. Une chanson de la période reggae du regretté groupe Les Colocs avec la chanson Paysage. C'était Cathy Bordelot pour l'émission Connaître Ensemble. On vous attend jeudi prochain de 10h à 11h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM.